Mardi 4 novembre 2014, bienvenue à l'aérospatiale après cette pause de 2 semaines. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'avais dû annuler l'émission pour des raisons hors de mon contrôle et la semaine dernière, de gros travaux d'Hydro-Québec sur la 3e avenue ont fait que la station a été hors d'onde toute la journée. L'électricité, je crois, était revenue à 18h45. Donc, après 2 semaines, je dois avouer, vous m'avez considérablement manqué. Je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous. Aujourd'hui, on fait presque un spécial Musée national des beaux-arts du Québec. On discute avec Anne-Marie Bouchard, que vous avez peut-être connue à l'époque où l'aérospatiale a été animée par Jean-Pierre Guay. Elle avait été collaboratrice pendant un certain temps. C'est la nouvelle conservatrice de l'art moderne, donc 1900 à 1949 au Musée des Beaux-Arts. Également, Annie Charland-Thibaudeau viendra faire un topo sur l'exposition « Le simulacre est encore vrai » de Mathieu Cardin, qui est présenté à Regard. Si vous avez vu l'affiche, ça fait très début des années 90. C'est particulièrement sympathique. On discute aussi avec Jean-Pierre Labio, conservateur aux arts décoratifs et aux expositions du Musée national des beaux-arts du Québec, au sujet de l'exposition Inde, miniatures du sud de l'Asie, du San Diego Museum of Art, donc qui est présentée jusqu'en janvier 2015. On aura bien sûr la revue de presse de Raymond Poirier qui se fera cette fois-ci par téléphone et le tout sera entrecoupé des suggestions audio de Simon Roy qui est au bout du fil. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, content d'être de retour. Ben oui, moi aussi. Écoute, ça fait quoi, 3 semaines que tu m'as donné ta sélection audio puis qu'on la reporte d'une semaine à l'autre, là, il est temps qu'on l'écoute. Ben oui, j'avais vraiment hâte. C'est une belle petite découverte. C'est un duo qui nous vient de Chicago. C'est des comptables et pères de famille. Oh. Ils s'appellent Ombrelli Sciolti. Donc, c'est ça, je pense que pour contrer l'ennui de leur boulot, ils ont décidé de s'associer. C'est musique complètement folle, guitare jouée un peu n'importe comment. Je crois qu'ils utilisent aussi les jouets de leurs enfants pour produire des sons. Donc, je crois qu'ils s'amusent beaucoup aux dépens de leurs enfants qui aiment vraiment pas la musique qu'ils font. Ah ouais? Ouais. L'album s'intitule « Puddle at You ». C'est sur l'étiquette Panierosas Discos. C'est une étiquette qui nous vient de Chicago, remplie de bonne musique. Tout ça, ben, c'est gratuit en téléchargement sur le blog de l'aérospatiale. .wordpress.com. Ben, merci beaucoup, Simon. Merci de ta patience. Et nous, on peut t'écouter à Web Musique le dimanche à 19h30, c'est ça? À 19h. Hey, je vais finir par l'avoir. Je vais l'écrire sur ma feuille. Voilà. Donc, d'ici là, on écoute un extrait de ta sélection. On écoute Rue Untitled. Voilà, c'était un extrait de l'album « Prattle at Hugh » de Ombrelli Sciolti, une suggestion particulièrement sympathique de Simon Roy. Et je reçois à l'autre bout du monde au téléphone Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. L'autre bout du monde, c'est où? C'est musée de la civilisation cette semaine. Voilà. près du fleuve. Qu'est-ce qui se passe, hein? En deux semaines, il s'est passé bien des choses. Tu as dû choisir des sujets, finalement, en choisir d'autres, puis en choisir d'autres. Oui, ben, en fait, comme ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un clin d'œil. Bilan de la deuxième édition de la Foire en art actuel de Québec. Semble-t-il que ça a très bien été. 1200 visiteurs, 75 œuvres vendues, 50 acheteurs. Vraiment, en fait, on dit, regardez, ça a été une réussite, cette édition-là, et on a l'impression d'avoir développé un créneau quand même assez original. Alors, je me disais, avant la revue de presse, faisons un clin d'œil à ça. Ben oui. Et sinon, je me lance. En fait, vous avez pu passer dans les derniers jours sur les réseaux sociaux une petite controverse du côté de la Biennale de Montréal, une œuvre d'Isabelle Ayer projetée sur le mur situé près de la station de métro de Saint-Laurent. Une œuvre qui s'appelle « Mur aveugle » et qui a dû être retirée après que le propriétaire de l'édifice concerné eut porté plainte. C'est une œuvre qui était constituée de graffitis, de slogans, de symboles et de citations qui succédaient, qui se chevauchaient, qui s'inspiraient en fait du mouvement de contestation pacifique Occupy, qui exploiterait des textes et des thèmes en fait comme l'embourgeoisement, les inégalités sociales, l'austérité, convergence médiatique, etc. Et, pardon, dans l'article, on mentionnait des considérations culturelles, si on peut dire, pour le retrait. Je me suis dit, on va creuser, on va se renseigner quand même un peu pour voir de qu'est-ce, si on me permet le québécicisme. Finalement, en fait, essentiellement, c'est que, semble-t-il, il y aurait une étape dans la mise en œuvre de cette œuvre-là qui aurait peut-être été oubliée, qui est celle, en fait, de mettre l'artiste en contact avec la propriétaire des lieux pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait un dialogue autour de l'œuvre. Et finalement, en fait, la personne, la propriétaire de l'endroit aurait été mis un peu devant le fait accompli face à cette œuvre-là qui, finalement, pour différentes raisons, j'en fais pas dans les détails parce qu'on est quand même dans le domaine du personnel, mais ne convenait pas donc à certains égards. Puis il me semble aussi que la propriétaire du bâtiment avait accepté bon que son bâtiment soit mis en lumière, mais dans un contexte autre aussi. Là, je pense qu'il y avait toute cette idée de valoriser son bâtiment puis d'attirer la clientèle. Oui, en fait, c'est certains éléments en fait intégrés à l'œuvre qui ont causé problème. En fait, donc une espèce de métissage d'interprétation, si on peut dire. Donc d'un côté, la propriétaire qui voyait une symbolique X. L'artiste qui voyait plutôt une symbolique Y, et finalement, dans le contexte actuel, c'était irréconciliable. Sinon, prix Powerhouse 2014 qui a été remis du côté de la centrale, qui a été remis à Dena McLeod. On reconnaît à travers ça la pratique interdisciplinaire de Dena McLeod, qui offre une attitude irrévérencieuse, insolente et libre de cet artiste-là. On qualifie ses performances, ses vidéos de bravoure à la normalisation culturelle. On parle d'honnêteté radicale qui a choisi de nous en mettre plein les yeux à travers un humour stupéfiant d'intelligence. Alors ça, c'est un peu les motifs du jury face à ce prix. Autre nomination aussi, Marie-Ève Beaupré, qui est nouvelle conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, décidément, c'est la saison après nouvelle nomination au Musée des Beaux-Arts de Québec. Maintenant, c'est du côté de Montréal aussi. Art québécois, canadien contemporain du côté du domaine. Alors, Mme Beaupré va se concentrer donc sur l'art contemporain québécois, entre autres, et canadien. Alors, Mme Beaupré est historienne de l'art, commissaire d'exposition et auteur. Elle avait remporté d'ailleurs le prix de commissaire de la relève décerné par l'Association des galeries d'art contemporain en 2011. Alors, donc, elle arrive déjà avec une belle expérience. Bien, félicitations à elle. Oui. Sinon, un site, en fait, je suis tombé là-dessus sur dans les actualités du réseau Art Actuel, donc du RCAAQ. C'est l'équipe d'Espace Art Actuel, la revue Espace, qui lance, c'est ça. Après quand même plusieurs mois d'efforts, c'est le dictionnaire de la sculpture québécoise au 20e siècle. Alors, d'Alfred de la Liberté à Claude Millette, en passant par Sylvia Daou, Suzanne Guitté, Armand Vaillancourt et bien d'autres. Donc, un dictionnaire en ligne qui répertorie 600 fiches d'artistes nés avant 1960 et œuvrant dans le domaine de la sculpture. Alors, vraiment, l'objectif premier est de décrire en quelques mots le parcours de ces artistes-là, des entrées accessibles en français ou en anglais. Donc, une synthèse vraiment de la carrière de ces artistes. Alors, ça devient quand même assez intéressant. Âgés d'au moins 40 ans en 2000, c'est aussi des artistes qui ont quand même eu la possibilité de créer un corpus significatif. Donc, dictionnaire qui présente des artistes qui ont ou qui ont eu une pratique soutenue sur plusieurs décennies. Ça devient, en fait, rapidement un ouvrage de référence grand public, je pense, concernant ce type de pratique-là pour cette période-là. Effectivement. Oui. Et peut-être une petite dernière en terminant. Ben oui, vas-y. Alors, le grand photographe suisse René Bury, auteur, entre autres, du célèbre cliché de Che Guevara fumant le cigare, est décédé la semaine dernière, en fait, au 5 octobre, à Zurich, à 81 ans. Alors, évidemment, en fait, une figure importante de la photographie, qui a travaillé pour plusieurs agences, notamment du côté photojournalisme, et il a fait quand même de grandes, grandes choses. L'an dernier, il avait légué toutes ses archives au musée de l'Élysée à Lausanne, et évidemment, en fait, parmi ses œuvres remarquables figurent une centaine de portraits de Le Corbusier, de Giacometti, Tinguely, Klein, Picasso, etc., etc. Alors, ben voilà, donc, décès à 81 ans de cet être emblématique, de ce photographe emblématique international. Raymond Poirier, merci infiniment. Ça fait plaisir. On fait une pause audio, on écoute Sans Senza. Au retour, on discute avec Jean-Pierre Labiot, au sujet de l'exposition sur l'air. On est de retour à l'aérospatiale. Et si je suis plus capable de dire le titre de mon émission, là, c'est que vraiment, j'ai un petit problème de concentration. Julie Gagné, toujours avec vous. Je me rappelle de mon nom, c'est déjà bien. Et j'accueille à l'instant Jean-Pierre Labiot, directeur aux expositions et conservateur aux expositions et aux arts décoratifs du Musée national des beaux-arts du Québec. Bonjour. Bonjour. Ça fait long à dire, hein? Oui, c'est un peu belle, long, une belle phrase. Oui. Dites-moi, Monsieur Labiot, bon, vous êtes conservateur au musée, mais vous êtes également coordonnateur de l'exposition Inde de miniatures du sud de l'Asie et du San Diego Museum of Art. J'imagine ça doit être un contexte quand même particulier quand on coordonne, c'est pas nous qui faisons le commissariat. Non, c'est ça. En fait, l'exposition était toute faite. C'est une conservatrice du musée de San Diego qui avait préparé cette exposition. Oui. La conservatrice d'ailleurs est plus à San Diego, elle est à Cleveland maintenant où il y a une autre très belle collection d'art oriental. Donc cette exposition était en circulation à Madrid au Thyssen-Bornemisza, puis ensuite elle a été présentée à Mexico au Musée national d'anthropologie. Et finalement, la directrice, Madame Lynn Ouellette, a décidé de, et avec la directrice des expositions, Anne Chappas, elles ont décidé de présenter cette exposition qui leur semblait intéressante et qui, effectivement, est fort intéressante, mais a exigé de nous une somme de travail assez considérable parce que même si tout était fait, nous n'y connaissions rien parce que c'est pas des choses qu'on très familier de voir. On est toujours axé sur l'art occidental, puis aussi, j'imagine, comme conservateur, là, vous spécialisez, donc là, c'est de plus en plus pointu. Exactement. C'est l'art occidental principalement. Moi, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. L'art de l'Inde, c'était 30 minutes dans tout le cursus d'un baccalauréat. Ouais. C'était pas grand-chose. Donc, c'est ça. C'était vraiment des découvertes. Mais c'était très stimulant parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un pays extrêmement intéressant avec une histoire qu'on ignore, en fait, traversée par différentes cultures. C'est justement un des thèmes de l'exposition qui vont dominer ce pays-là à différentes périodes de l'histoire. Et c'était que des découvertes tout au long du projet. C'est fascinant. Je pense que même les visiteurs qui rentrent dans la salle ont le même choc que nous, parce que dans le fond, on est complètement transporté. On a des clichés quand on parle de l'Inde. Ouais. On imagine évidemment l'hindouisme en premier lieu. Et on oublie que l'islam a été extrêmement important, que pendant 3 siècles et demi, ils ont dominé vraiment sans partage le territoire. Et que même, en fait, on connaît un petit peu plus l'histoire de l'Inde contemporaine. On sait que à l'indépendance, il y a eu quand même une scission très rapide entre l'islam et puis l'hindouisme, justement avec cette création du Pakistan. Donc tout ça, c'est des choses qui nous reviennent en mémoire quand on traverse ou qu'on étudie un peu plus le sujet. Puis qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez été en contact justement avec ces œuvres-là? Vous dites, bon, on est surpris, le visiteur. Moi, j'ai été surprise aussi, là, la finesse et tout ça. Oui, la finesse, les sujets, la conscience des Moghols, par exemple, de fonder une dynastie, ce regard qu'ils vont poser sur leur activité en Inde, c'est quand même assez saisissant. Cette première section, qui est beaucoup plus ancienne, avec des œuvres qui datent du XIIe siècle et qui vont jusqu'au XVe siècle, avec sur les enluminures sacrées, avec des écrits en sanskrit et qui font référence au bouddhisme, à l'hindouisme et au jaïnisme, tout ça, c'était quand même quelque chose d'inusité, parce qu'en fait, on n'est plus dans le format du livre traditionnel. Ben non, parce que c'est des feuilles de palmier, je crois. Exactement. Donc, c'est vraiment large et peu... C'est pas très haut. C'est assez étroit, en fait, et très large. Et donc, c'est ça, c'est rempli de textes avec des images qui sont là, en fait, qui ont un rôle d'icône, puisque dans le fond, c'est là pour aider la personne qui prie à se concentrer et avoir l'aide du Dieu en question. Voyons, j'avais une question là que je voulais vous poser à l'instant, je l'ai oublié. Ah oui, c'est ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans la mise en espace de l'exposition, puis c'est le rapport très très personnel qu'on a avec les œuvres. Les œuvres, elles sont pas au mur, elles sont sur des tables un peu penchées en dessous de verre, bien entendu. On a accès à des là, puis c'est vraiment un contact un par un dans l'expo. Ça, c'est une décision qui a été prise en cours de projet, en fait, parce qu'on se disait, on veut pas, c'est des miniatures, on veut pas travailler avec des agrandissement, parce que les gens se laissent prendre par l'agrandissement, oublient de regarder l'œuvre, oublient de regarder les détails de l'œuvre. Ouais. Quand c'est au mur, c'est un peu intimidant. Et on perd la notion aussi du fait que c'est des œuvres qui étaient essentiellement dans des livres. Donc en fait, là, c'est un travail qu'on a fait conjointement, mais l'aboutissement, c'est vraiment un travail de Jean Hazel, le designer qui travaillait sur l'exposition, qui est designer principal, enfin, ou chef du design au musée. Et en fait, son idée, c'était de dire, on va essayer de reconstituer l'idée de la bibliothèque impériale, et puis mettre les livres, enfin, mettre les pages sur des lutrins pour aussi rappeler que tout ça, ça vient de livres, c'est pas des feuillets qui ont été... C'est pas des tableaux, là. Non, absolument pas. Et de par le fait de les avoir mis sur des plans inclinés, en fait, quand on se promène dans les salles, on voit que les gens sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus attirés à se pencher sur les œuvres, à regarder les détails. Les œuvres sont complètement protégées puisqu'elles sont dans les cadres tels qu'elles auraient été si elles avaient été au mur. Mais en fait, le contact est plus, à mon avis, plus sympathique et plus étroit entre le visiteur et l'œuvre. Oui, il y a vraiment une intimité, puis ça nous invite aussi justement à s'approcher, alors qu'au mur, peut-être qu'on conserverait une distance plus grande. Absolument, oui. Et aussi le fait que... Enfin, on avait un autre défi, c'est que les œuvres, c'est des œuvres sur papier, c'est 50 lux, c'est très peu d'éclairage en fait, et il fallait pas créer cette sensation désagréable de rentrer dans l'obscurité. Ouais. Quand je dis 50 lux, c'est pour celles qui sont sur papier, mais quand on est dans la première section sur ces miniatures faisant référence, enfin ces enluminures qui font référence aux trois religions premières, on est sur des feuilles de palmier, et là c'est 35 lux, c'est presque l'obscurité complète. Donc, Jean Hazel a réussi par certains artifices à nous faire sentir confortables tout au long de l'exposition, malgré un éclairage qui est très limité. Puis qui favorise aussi, moi, je trouve, l'intimité, justement. Là, on n'est pas dans des néons, on n'est pas dans un lieu froid, impersonnel. Absolument, oui. Là, il avait aussi joué sur les caissons du plafond. En fait, les plafonds sont toujours blancs depuis toujours. Ils n'ont jamais été peints. Ils n'ont pas été peints, là, mais enfin, il y a eu une sorte de trompe-l'œil qui a été faite avec de la couleur qui est mise à l'intérieur des caissons. Et finalement, ça renferme l'espace et on n'a pas l'impression d'être dans un espace public aussi grand que la salle d'exposition, mais on est dans quelque chose de plus intime. Je suis contente que vous en parliez, parce que c'est sûr que j'allais vous le mentionner. C'est la première fois que je voyais justement là, les quinçons colorés. J'ai envie de parler un peu de la section à la découverte de la peinture moghole. J'avoue, moi, pour ma part, bon, je pense que j'aurais dû commencer dans la section de droite, mais j'ai l'habitude de toujours aller à gauche en premier. C'est le premier contact que j'ai eu avec les œuvres. C'est difficile de pas être émerveillé devant autant de finesse, de détails, de précision. Vous le disiez tout à l'heure, on voulait favoriser justement le contact, pas des agrandissements. Là, c'est assez assez fascinant. C'est fascinant parce que les œuvres sont pas très grandes. La majorité, c'est des œuvres qui font la taille d'un livre, en fait, pas d'un gros livre. Et rentrer, en fait, l'idée de bouleverser un peu le regard, parce qu'on rentre par la salle 6 et on finit par la salle 5, alors que depuis toujours, c'était l'inverse. C'est arrivé pour des questions pratiques. C'est parce que les deux salles ont l'air d'avoir la même taille, mais il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Et ça permettait, en commençant par la salle 6, de conserver un certain équilibre dans la présentation. L'histoire de la peinture moghole, effectivement, quand on la découvre, c'est ça, on se rend compte à quel point ces empereurs, enfin ces tribus, en fait c'était des tribus guerrières à l'origine, les moghols étant descendants de Tamerlan. Donc c'était des moghols qui se sont établis en Turquie, qui sont passés ensuite en Perse et qui sont finalement installés dans le nord de l'Inde, à Agra et à Delhi, et qui ont fondé un empire extrêmement important qui a perduré du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et dans ça, ce qui est remarquable, puisqu'on le voit pas du tout dans la section enluminure sacrée, où la notion du temps disparaît, probablement à cause des questions religieuses, où la réincarnation tout de suite après la mort fait que la notion de passé et de futur sont complètement différentes, les Moghols, eux, n'ont pas cette perception-là et construisent une dynastie. Et très vite, on s'aperçoit que chaque chat ou chaque khan essaye de marquer son moment par des représentations de lui-même sur le trône. Enfin, il commande ça à des artistes de sa bibliothèque et enfin, de ses ateliers, ou de scènes de darbar, ces fameuses scènes où les gens de la cour doivent prêter chaque matin allégeance au chat, à l'empereur. Donc c'est ce qu'on voit. Enfin, il y a des scènes de chasse, mais il y a beaucoup, beaucoup de scènes autour du trône de Pan qui symbolisait le pouvoir suprême des empereurs moghols. Et effectivement, il y a un détail, il y a une manière de représenter qui est fascinante. Ce qui est aussi fascinant, c'est que on voit, parce que les gens qui sont habitués de voir de l'art perse, par exemple, enfin, ou l'art islamique du Moyen-Orient, savent que souvent les questions de perspective sont pas des questions qui sont à l'ordre du jour dans cette culture-là, et que tout était très en aplat. Alors que quand on rentre justement dans cette section, la première chose qui nous frappe, c'est de voir à quel point les artistes indiens ont travaillé les modèles des visages, ont travaillé les perspectives de façon à nous rendre des tableaux assez crédibles de ce qui pouvait se passer à la cour. Ben effectivement, parce que moi, une réflexion que j'ai eue, c'est ça m'a fait penser justement à l'art du Quattrocento, donc les débuts de la perspective, le détail. On n'est pas non plus encore là, dans le raffinement, disons, du Cinquecento, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. Je pensais à des scènes de bataille ou à des images de Giotto, entre autres, là, en termes Absolument. De composition. Mais ils étaient quand même au courant de ce qui se faisait. En Occident, on le voit dans une section où on voit ces rapports, puisque les Jésuites, les Portugais, les Anglais, les Hollandais, les Français, les compagnies des Indes orientales, sont venus, ont donné des présents à l'empereur, et l'empereur a montré ces présents, ces images aux peintres de la cour. Et en fait, on a des reprises. C'est assez amusant puisque dans le fond, on a des images de la Bible qui sont réinterprétées par des artistes indiens à la cour moghole, une cour islamique quand même parfois. Même assez rigide. Oui, puis c'est particulier aussi parce que là, on a vraiment un changement dans les couleurs, dans le ton. Il y a des dessins même qui me font un peu penser à presque de la caricature. Là. Il y a vraiment une rupture, je trouve, visuellement assez marquée. Assez radicale. Enfin, on a cette image justement du mousquetaire qui est une œuvre hollandaise à l'intérieur de l'exposition. Et on a à côté la reprise par les artistes indiens qui mettent des bordures, qui enjolivent tout ça et qui nous présentent plus un mousquetaire, mais qui présentent un portrait de l'amiral Albuquerque, l'amiral portugais. Et donc, il y a ces distances ou ces images qui peuvent rappeler, même dans certains cas, les images jésuites qui étaient en circulation ici, où on voit le Christ monter au ciel sous l'apparence d'un prêtre. Enfin, des choses qui sont assez, presque de l'ordre de la bande dessinée, tellement c'est amusant la façon dont c'est dessiné et dont les sujets sont traités. Une autre, là, je me rappelle plus trop exactement des sections, mais on voit aussi des représentations d'animaux, des représentations de végétation. Ça aussi, là, le détail quand même est assez ahurissant. Absolument. Alors, on a deux types de représentations avec les animaux et, les, et la végétation. Il y a d'une part ce qui s'est passé dans les ateliers, enfin, à la cour moghole, donc avec des animaux qui sont présentés à l'intérieur de, d'espaces naturalistes, mais avec beaucoup de bordures, beaucoup de décorations. Et tout à coup, ces commandes qui sont faites par les Britanniques en poste en Inde à partir de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, les images que vous avez vues sont des images qui ont été faites pour Lady Himpe, qui était à Calcutta et qui avait un immense jardin dans lequel elle avait une ménagerie, et elle a fait représenter les animaux, la faune locale et la flore locale d'ailleurs aussi, pour ramener des images à Londres de ce qu'elle a vu en Inde. Et ça, c'est assez amusant, parce que vous avez remarqué que les images étaient au mur dans ces cas-là. C'était plus des images de livres, c'était vraiment des images qui étaient faites pour être observées comme des planches. On est dans l'esprit d'Audubon en Amérique du Nord. À ce moment-là, on a des images très détaillées. On est vraiment dans l'esprit plus scientifique, où on essaye de rendre ce qu'on voit avec précision, de façon à ce qu'on puisse l'identifier. Et ça, c'est vraiment un autre aspect du travail des artistes indiens. Le but de tout ça, enfin le but de cette exposition et le propos de la conservatrice qui a réalisé cette exposition, étant de nous démontrer comment les artistes indiens, à travers toutes ces commandes, avaient réussi à demeurer eux-mêmes et à ne pas être complètement contaminés par la perspective et par les vues des conquérants ou des dominants. Voilà, mais je pense que c'est bien réussi. On le sent bien dans l'exposition. Merci. En terminant, Jean-Pierre Labiot, une œuvre, coup de cœur? Oh, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a toujours plusieurs. C'est, hein, difficile de dire. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié les images qui sont tirées de ces livres qui sont dans la première salle, en fait, ouais. Vision lyrique, où on a ces images de héros de l'histoire perse. Mais en fait, il y a quelques images, les images de Shah Jahan sur le trône. Il y a une image qui passe complètement de façon anodine, mais on voit que tous les personnages sont présentés avec un détail inouï. D'ailleurs, quelque chose qui était peu fréquent, mais qui est arrivé avec la peinture indienne. Et donc, cette image-là, elle est fortement saisissante et forcément aussi intéressante, parce que chaque personnage se reconnaissait. Donc, on a vraiment un travail qui est au-delà de la caricature ou d'une représentation un peu simplifiée. On est vraiment dans le réalisme, enfin, le plus parfait. Voilà, mais Jean-Pierre Labiot, conservateur aux expositions et aux arts décoratifs du Musée national des beaux-arts du Québec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, on a encore tout le temps de visiter l'exposition Inde miniature du sud de l'Asie du San Diego Museum of Art, mais bien entendu, on n'attend pas à la fin parce que on risque de l'oublier, ou encore on risque de se ramasser dans une cohue de gens qui ont attendu à la fin. Et c'est une exposition intime où le fait d'être plus tranquille pour voir les œuvres est nécessaire, il me semble. Effectivement. Ouais. Donc, si vous avez congé un jour de semaine, je vous le recommande fortement. Voilà, on s'en va en pause. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec, vous invite à sauter à pieds joints dans sa fabuleuse programmation 2014-2015. 12 œuvres chorégraphiques d'exception, sensibles ou radicales, parfois envoûtantes, souvent énergisantes, auscultent la condition humaine et témoignent de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Antitube, Le Dominion de Seth, Un chemin avec Edmond Baudouin, La carte des étoiles, Le pas de la porte, Nightcrawler. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... L'amour est un crime parfait, Aventurier voyageur Pérou, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Burlestacular présente Bête de scène. Pour une quatrième année, la troupe burlesque de Québec présente un spectacle à grand déploiement à l'Impérial de Québec. Le cirque, les Folies Bergères et Broadway se réunissent dans une soirée inusitée où plus de 30 artistes de Québec seront sur scène. Bête de scène. Un soir seulement, le samedi 15 novembre, à l'Impérial de Québec. Billets en vente via la billetterie de l'Impérial de Québec. Le 7 novembre, on fête notre 7e anniversaire au Cercle. Tous nos amis, collaborateurs, clients et partenaires sont invités à se joindre à nous pour la plus grande fête de l'année. À partir de 20h, Qualité Motel, Éric Dorion, les danseurs et danseuses de la deuxième porte à gauche, King Abid et Karim Ouellet en DJ set, DJ Texture, Funk Connection, DJ Saint-Michel, DJ Alexandre Sixtopaz Berthier, This Is Not Design et Rémi Barbonne célébreront avec nous. On se voit au Cercle. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 45 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Rendez-vous le 8 novembre prochain de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Informez-vous sur foiredudisquequebec.com. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. CKRL 89.1, Québec. Il est 18h, on entame déjà cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale et pour l'entamer avec nous, Annie Charland-Thibodeau, bonjour. Allô. Bonsoir, bonjour. Bref, c'est la journée. Annie, t'es allée faire un tour à Regard il y a 2 semaines, en fait, oui, hein, toutes oui. les histoires de chroniques, d'émissions qui décalent. Tu t'en rappelles, ça va? Oui, ça va très bien. Donc, moi, je suis allée le 23 octobre, donc la soirée du vernissage de Mathieu Cardin, au Centre Regard à Lévis. Moi, pour ma part, j'avais déjà vu le travail de Mathieu. Je l'avais vu pour la première fois lors d'une exposition nommée « Paysages actuels » qui prenait place dans un local de la rue Saint-Joseph en juin dernier. Oui, je pense que c'était Paul Brunet puis Gabriel Lajoie-Bergeron qui était commissaire. Oui, qui était commissaire de l'exposition, exactement. Puis la pièce qu'il présentait là-bas était une anamorphose, donc la pièce à l'entrée, la première qu'on voyait. Puis on voyait bien la composition de sa pièce uniquement quand on se tenait donc au point de vue préétabli, soit la vue de face. En entrant dans le local, on arrivait devant un faux mur orné d'un cadre dans lequel se trouvait un paysage bien composé. Puis lorsqu'on se déplaçait, donc on comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une image fixe, mais bien d'une installation sculpturale. Donc le profil puis l'arrière du faux mur nous révélait l'assemblage nécessaire à la vue de face. Donc, on trouvait là un amas de matériaux de construction joints assez grossièrement, puis couverts d'éléments qui viennent un peu du monde du bricolage, ouais. puis de la maquette d'environnement. Puis, bien évidemment, le tout prenait son sens seulement à l'entrée. Donc, déjà là, l'idée de la mise en scène, de l'expérience, mais surtout la question du faux et du vrai, une notion qui est très importante dans la démarche de l'artiste. Moi, ça m'avait beaucoup marqué dans l'exposition. Puis, avec ce qu'il a présenté, ce qui est en cours à Regard, il a vraiment amené cette notion-là, donc l'idée d'expérimenter une simulation beaucoup plus loin, avec évidemment plus de jeux d'intervention. Puis, il a bâti rien de moins qu'un espace à parcourir qui ah ouais? prend toute la galerie. Donc, quand on arrive, l'exposition se passe un peu en 3 temps. D'abord, on entre dans la galerie, puis on trouve une installation plus épurée, avec des représentations de paysages sur posters, des interventions un peu plus intuitives aussi à même l'espace, qui donnent grossièrement le ton de l'exposition, puis où on établit un peu le langage aussi. Puis on remarque que la galerie est moins profonde qu'à l'habitude, scindée par un mur de préfini qui couvre la largeur entière avec une porte au centre. Ce qui est intéressant aussi d'être là le soir du vernissage, c'est de prendre un peu le pouls puis de voir les réactions. Puis les gens savaient pas trop s'ils pouvaient entrer, s'ils avaient ouais. accès au reste de l'exposition. Puis quand on s'aventurait à traverser la porte, on voyait qu'elle donnait sur une petite pièce tampon très très peu profonde, vraiment chargée, remplie de posters, d'outils de travail, un peu comme un environnement d'atelier de bricoleurs, bricoleuses qui nous font traverser. C'est comme un backstore d'atelier. Oui, oui, exactement, ou la petite cave à la maison là, pour travailler. Puis il nous fallait traverser ça pour accéder au reste de l'exposition. Puis encore là, ça nous donnait un indice de plus sur le langage visuel qui nous attendait dans la pièce principale de l'expo. Puis, une fois entré dans la portion du fond de la galerie, ben, on retrouve le même type de construction un peu que ce que j'avais vu dans l'exposition Paysage actuel. C'est un langage visuel qui revient assez souvent dans les installations de Mathieu Gardin. Puis, on trouve donc la mode de matériaux de construction, des bouts de bois mal assemblés, puis une situation qui peut sembler un peu précaire, puis qui sert d'assise à une maquette de paysage, encore une fois. Donc, on trouve dans cette maquette-là les matériaux de maquettiste, des arbres miniatures, du faux gazon, qui tapissent une base qui est faite de mousse, de bulles de colle. Vraiment tout ce type de matériaux-là un peu plus bricolage, justement. Puis la galeriste me disait que l'exposition était montée en moins de 6 jours. Ah ouais, quand même, hein? Oui, puis tout un défi? Oui, puis toutes les pièces sont faites par l'artiste. Et puis ça paraît exactement, précisément dans la facture des objets. Puis c'est ce qui fait la richesse de l'expérience aussi, puis la sincérité du propos. Parce qu'on a vraiment mis de l'avant le procédé de travail à son plus vrai. Puis autour de la maquette traînent un escabeau, des planches de bois, des éléments un peu laissés sur place, comme des accidents ou des choix, on ne sait pas trop. Donc ça fait vraiment une ambiance de chantier qu'on parcourt avec beaucoup de curiosité aussi. Puis il y a le rappel aussi, justement, de tout le processus de création qui est exactement. Là, puis qu'on cherche à mettre de l'avant et non à évacuer exactement, au profit qu'on tente dispositif. Pas du tout de cacher, c'est vraiment l'essence de l'exposition. Puis, à côté de la maquette, on remarque qu'il a bâti une autre pièce à l'intérieur de la galerie. Donc, une pièce fermée, bordée de murs blancs, avec une petite ouverture rectangulaire, qui nous permet de voir à l'intérieur de celle-ci, mais jamais d'y accéder. Un peu comme une galerie d'art plus convenue à l'intérieur de l'expo qui est en chantier. Puis, on se rend compte que si on se trouvait à l'intérieur de cette pièce-là, on verrait par l'ouverture uniquement la maquette de paysage. Okay. Donc, on verrait pas l'attirail de soutien, les éléments disparates autour, on n'aurait pas l'impression de chantier. On verrait seulement un paysage bien construit, bordé d'un cadre, exactement comme la vue principale dans le paysage actuel. Puis, on se trouverait aussi dans un espace blanc, épuré, qui cache l'assemblage précaire au profit d'une bonne simulation. Mais l'artiste a vraiment choisi cette fois-ci de pas mettre de l'avant ce point de vue-là. Il a vraiment mis de l'accent sur l'expérience et puis le travail derrière la simulation, donc tout le travail qui est nécessaire pour rendre une image. Puis le titre de l'exposition, le simulacre c'est ça, est vrai, exactement. Ça, je pensais, là. C'est là que le simulacre est vrai, en fait, prend tout son sens. On voit que les étapes du travail qui sont vouées à la simulation sont bien réelles, sont présentes, puis sont palpables. Puis ils deviennent même l'essence du projet. Donc avec ce projet, on se rend compte qu'œuvrer à simuler l'idée, ça devient plus fort que l'idée du paysage en elle-même dans son travail. Puis c'était vraiment bien d'assister, en fait, à la soirée du vernissage aussi pour voir puis pour partager l'expérience avec les gens qui étaient présents. C'était une soirée qui a bien marché. Les visiteurs étaient nombreux. Puis aussi, les gens étaient vraiment réceptifs puis curieux et impliqués à faire le tour. Puis ce qui était intéressant aussi d'être présent le soir du vernissage, c'est qu'on a pu visiter l'installation informelle d'Audrey Demers-Roberge, une artiste qu'on a pu voir dernièrement à Québec à la Foire en art actuel à l'Œil de Poisson. On parle de proposition informelle parce que l'artiste, qui est une membre du Centre de regard, a abouti une exposition solo hors programmation. Donc, ça s'est un peu su bouche à oreille, par en dessous, par les médias sociaux. Vraiment aussi. Spontané. Exactement. Puis c'est ça, c'était pas du tout soutenu par la programmation, c'est une initiative parallèle. Puis l'installation prenait place dans le local commun du Centre Regard, où l'artiste a proposé des sculptures assemblées en papier et en carton roulé. Qui formait un écosystème un peu comme une famille d'arbres. Puis tout près, on avait un assemblage de 9 toiles qui présentaient des roches couvertes de lichen. Donc, pour ceux qui l'ont vu à la Foire en art actuel ou qui connaissent son travail, mais cette proposition-là, avec un visuel très fragmentaire, c'est ensuite logique avec toute la question de fragilité du paysage qui est très présente dans le travail de cet artiste-là. C'était vraiment une belle installation, mais c'était aussi super intéressant de voir cette initiative-là, donc un peu alternative, prendre forme à même une portion inoccupée de l'espace. Puis c'était inspirant aussi de voir l'ouverture du centre envers des propositions de ses membres actifs. Puis c'est vraiment je crois que c'est vraiment un sens que le centre veut prendre davantage aussi dans le futur. Oui, parce qu'il y a quand même, là, il y a les ateliers des artistes, mais aussi la grande salle commune. Est-ce que c'était exactement, à cet endroit-là? C'était là que ça prenait place. Puis c'est quand même un bon espace aussi à utiliser. Ben oui. Là, il y a beaucoup de potentiel dans cette salle-là. Donc, en tout point, c'était vraiment une soirée satisfaisante aussi, puis réussie. Puis je vous invite sincèrement à aller faire un tour d'ici le 30 novembre. Voilà. Ben Annie-Charlotte Thibodeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on a parlé de l'exposition d'Audrey Demers-Roberge et de celle de Mathieu Cardin. Le simulacre est encore vrai. C'est présenté tourner jusqu'à Regard, oui, à Regard spécifiquement, donc pas jusqu'à. Donc voilà, on fait une pause audio, on écoute Copper Extract City. Au retour, on discute avec Anne-Marie Bouchard. Voilà, c'est un extrait de l'album Prattle at Hugh de Umbrelli Sciolti, une suggestion de Simon Roy. Je vous invite à visiter le site l'aérospatiale.wordpress.com. J'ai vraiment mal prononcé mon mot. Mais c'est pas grave, tout le contenu est là. Donc, l'émission disponible en balado, diffusion, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, les communiqués en art visuel également, les liens pour le téléchargement gratuit, précisons-le, des sélections de Simon Roy. Je disais en début d'émission, on fait presque un doublé Musée national des beaux-arts. On accueille la toute nouvelle conservatrice de l'art moderne de 1900-1949, Anne-Marie Bouchard. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie, les gens qui écoutent l'aérospatiale depuis un certain temps t'ont connue. Tu as été collaboratrice à l'époque de Jean-Pierre Rich. Je pense que ça fait 5 ans. Oui, c'est comme un retour, en fait, dans ce studio qui a quand même relativement changé physiquement, mais je co-animais avec Jean-Pierre Gué et Richard Sainte-Marie. Ouais. Je crois que c'est en 2010-2011. Donc, ça fait 2009-2010, parce que moi, je pense que j'ai commencé l'émission en 2010. Mais non, en 2009, j'étais pas au Québec. Mais je pense que c'est vraiment 2010. Ah oui, ben c'est ça. Oui, 2010, parce que j'ai commencé à l'automne 2011. Ouais, voilà. Donc voilà, on s'était croisés. Ben oui, on s'était déjà vus. Donc ça fait drôle de revenir ici dans un autre contexte complètement différent. Ben oui, parce que là, je l'ai dit en début d'émission, je l'ai redit en t'accueillant, t'es la nouvelle conservatrice de l'art moderne au Musée des beaux-arts. On a annoncé ta nomination le 15 octobre, si je me trompe pas. Là, t'es entrée en poste depuis. Oui. Ça doit être assez... Ça va être assez complexe, ouais, ben, entrer en poste comme ça, là, dans... En fait, c'est assez complexe, surtout parce que je termine, j'ai pas terminé ma session, donc j'enseigne encore à l'Université de Montréal simultanément. Donc, je cumule 3 jours au musée, 2 jours à l'Université de Montréal. Donc, je fais beaucoup de voitures. La 20, ouais, je la connais par cœur. Ouais, c'est ça, hein? Mais ça va assez bien, en fait, parce que j'enseigne figuration et abstraction, 1900-1950, entre autres. Ah, ouais, donc, tout est en train de nourrir tout. Mon enseignement nourrit ma réflexion sur la collection du musée et la collection du musée nourrit ma réflexion sur l'enseignement. Donc, je suis quand même assez gâtée puisque je suis pas dans des sphères totalement différentes. Mais comment on arrive dans un poste de conservateur comme ça? Parce que, tu sais, c'est quand même... l'emploi en tant que tel est assez complexe. Il y a plusieurs dimensions. Comment on s'approprie C'est à la fois un concours de circonstances et l'aboutissement d'une très longue formation dans mon cas, puisque j'ai fini mon doc en 2009. Par la suite, j'ai été chanceuse, j'ai été 2 fois boursière postdoctorale des gouvernements. Et donc, ça m'a permis, pendant une longue période, non seulement de me spécialiser sur la période, mais d'acquérir différentes spécialisations sur la période, donc de toucher à différents sujets. Ouais. Puisque le musée, c'est pas nécessairement comme l'université. On peut être spécialiste, mais on doit aussi être généraliste jusqu'à un certain point, puisqu'on a abordé différents types de corpus. Ben ouais. Et en particulier, moi, au Musée national des beaux-arts, ben, la collection d'art moderne est extrêmement importante, à la fois la collection d'art québécois, mais aussi parce qu'on reçoit beaucoup d'expositions internationales qui sont consacrées à cette période. C'est une période qui est extrêmement populaire auprès du public. Ben ouais. Et donc, c'est ça que le public connaît le mieux aussi. Ouais. Là. Et donc, je pense que ce qui joue en ma faveur, c'est à la fois ma formation en art européen et américain, donc le fait que je suis assez généraliste pour avoir touché à des corpus. J'ai toujours travaillé de manière très, très, très internationaliste sur mes sujets, dans des façons de comparer un peu l'histoire, l'histoire des différentes nations, des différents types d'art qu'on trouvait à différents endroits, à des mêmes époques. Et ça me permet d'avoir un regard plus global parce que on s'adresse pas nécessairement à un public. On s'adresse à différents types de publics et on doit en être conscient constamment, en fait. C'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre la recherche aussi et une forme de médiation, de vulgarisation. Ouais. Et depuis février, en fait, je travaillais sur l'exposition Lida Mozart, ce qui fait que ça m'a mis dans le bain tout de suite du musée. Ça m'a permis d'observer aussi le travail de mes collègues conservateurs, qui sont maintenant officiellement mes collègues. Oui, parce que là, au moment où tu as travaillé sur ce projet de commissariat-là, j'imagine que tu n'étais pas... est-ce que tu savais que tu allais être conservatrice? Ah, pas du tout, pas du tout. Donc, tu as comme mis les pieds dans la place juste avant. Oui, je travaillais comme commissaire pour mon projet d'exposition et puis Michel Grandbois est parti à la retraite, ils ont ouvert le poste et j'ai décidé d'appliquer dessus, mais c'est vraiment je pense que je me pose en fait le fait d'avoir déjà un pied dans l'endroit m'a permis de comprendre pour quel type de poste je postulais, ce qui n'était pas nécessairement donné pour une universitaire comme moi, parce qu'il y a vraiment une dimension très pratico-pratique en fait dans le travail au musée. Ouais, ben peux-tu nous en parler justement parce que là on reçoit souvent ici des conservateurs, on en a déjà parlé à quelques reprises, il y a l'événement aussi Ask a Curator qui nous permet de comprendre un peu plus, mais c'est quoi la job de conservateur? En fait, il y a vraiment plusieurs dimensions. Évidemment, il y a l'aspect recherche. Donc, on fait de la recherche sur la collection. Il y a aussi la dimension de médiation. On organise des expositions, on met en valeur la collection, on fait des publications aussi. Mais tout un travail qu'on voit peut-être moins, qui est le travail pratico-pratique lors des expositions, dans lesquelles je suis beaucoup ces temps-ci pour Lida Mozart, la fabrication de la maquette, la manière de conceptualiser le parcours dans une exposition aussi, puisque on met pas des œuvres sur le mur de manière aléatoire. On doit réfléchir au fait que certaines personnes, par exemple, vont pas nécessairement lire les cartels et qu'on veut quand même que du début à la fin de l'exposition, ils soient capables d'avoir compris un peu la narration historique qu'on voulait mettre en place. Donc, il y a toute cette dimension-là où mettre les tablettes tactiles. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus, moi, qui me fait penser à mon cégep en art plastique, en fait. Donc, la dimension vraiment pratico-pratique qui m'intéresse beaucoup. C'est sûr qu'on fait du démarchage auprès des collectionneurs. C'est vraiment un métier qui est multidimensionnel. Et puis, il y a toute la gestion de la collection, l'acquisition aussi. Les acquisitions, la conservation, voir quelles œuvres nécessitent des restaurations. On gère aussi le fait que plusieurs institutions internationales ou canadiennes vont nous demander pour emprunter des œuvres de la collection. Donc, on gère vraiment beaucoup de choses très différentes. C'est ce qui fait que c'est aussi excitant comme poste parce qu'en fait, c'est vraiment multidimensionnel. C'est toujours différent. Ce sont toujours de nouveaux défis. Et moi, je suis une personne extrêmement curieuse. Donc, j'ai besoin de me nourrir de nouveaux sujets constamment. Et l'idée d'avoir devant moi, donc, une carrière consacrée au fait de faire connaître l'art du Québec, mais à travers différentes expositions que je vais avoir à produire dans les prochaines années. Même chose avec des catalogues. C'est quelque chose qui m'enthousiasme complètement. Puis, Voyons. J'ai envie de revenir à Lida Moser, en oui. fait. Lida Moser, donc, c'était à titre de commissaire indépendante. C'était ton premier grand ouais. projet de commissariat. Et là, finalement, ça va être ton premier commissariat de conservatrice. Est-ce que tu t'as senti que ça a changé dans ta perception de l'expo, ton rôle? Ou, Mais pas du tout, en fait, parce que c'est assez... étant une personne pas nécessairement... je dirais un très, très, très, très, très organisé, limite presque névrotique. Quand j'ai appliqué pour le poste, je voulais me préparer mentalement au fait de l'avoir et sachant que j'avais des charges de cours à l'automne, je me suis organisée pour que la plupart des choses que j'avais à rendre pour l'exposition Lida Moser, dont le catalogue, ouais. Tout ça soit terminé. M'assurer de ne pas avoir ça qui allait être en flottement trop longtemps. Et donc, au moment où j'ai obtenu le poste, finalement, il y a énormément de choses qui étaient déjà cannées dans le catalogue. Et donc, ça modifie un peu ma perception de la chose, mais pas tant, puisque je suis assez... en fait, je suis très, très, très zen avec ce que je vais proposer comme exposition. T'as ton affaire, là, ouais. finalement. Là. Et puis, les choses vont bien, puis je continue à travailler sur le dossier, mais le dossier est assez avancé pour que je puisse vraiment plus me consacrer sur mon travail de conservation ces jours-ci. Puis, quand... Là, ça fait quoi, 2 semaines que t'as commencé? 2 semaines, exactement. Comment tu commences? C'est ça, tantôt, je demandais, tu sais, tu dis, bon, ben là, il y a la collection, tu la connais certainement pas par cœur, là. Non, vraiment pas. Il y a plusieurs milliers d'œuvres dans cette collection-là. Oui. Là, il y a les choses, les dossiers à gérer au quotidien, il y a l'expo à venir, là. Comment ça a pris un travail comme celui-là en fait, en commençant, ça doit être... Évidemment, c'est assez costaud. Mais, la collection, j'avais quand même eu le temps de bien l'examiner. Donc, cet été, en préparant Lida Moser aussi, je regardais beaucoup ce qu'il y avait dans la collection de cette période-là. Mais je suis arrivée dans mon bureau la première journée. J'ai juste voulu m'installer et rapidement, j'ai eu des dossiers qui sont arrivés sur mon bureau. Donc, j'ai pas nécessairement eu le temps de me sentir dans un genre de vertige de par où je vais commencer puisque je devais déjà commencer ouais, à travailler. Oui, c'est ça. Tu sais, à peine le temps de poser le cadre sur le bureau. Il y avait déjà des dossiers qui étaient arrivés avant même que je puisse accéder à ma boîte de courriel. Ah ouais. Donc, ça a juste été parfait. Je travaille bien comme ça. En fait, j'ai besoin d'avoir un certain niveau de pression pour livrer. Puis, j'ai eu envie d'être opérationnelle tout de suite. Donc, c'est sûr que je pose encore beaucoup de questions, mais je me sens assez à l'aise avec mes dossiers. Puis, comme je suis 3 jours par semaine au musée, 2 jours à l'université, c'est une entrée en fonction qui se fait de manière progressive. Ben ouais. Ce qui me permet de pas être totalement ensevelie par le travail, d'avoir encore des moments de recul où je peux vraiment mesurer quel doit être, qu'est-ce que je dois faire dans ce dossier-là et tout. Donc, ça se fait assez bien jusqu'à maintenant. Je dois dire que je me sens vraiment à l'aise avec la manière dont ça se passe. On va voir dans le prochain mois. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Est-ce que tu as déjà des idées, des projets? Y a-t-il des choses dont tu peux nous parler, que tu as envie de faire, qui te tiennent à cœur déjà là, après 2 semaines? Mais en fait, c'était une chose dont je peux parler parce que c'était même annoncé dans l'annonce du poste comme tel. C'est un des premier mandat que je vais avoir, c'est surtout la question du redéploiement des collections. Ouais. Puisque avec le nouveau pavillon La Sonde, il y a toute une nouvelle organisation des expositions d'art québécois qui va être faite à travers le musée, donc les trois nouveaux pavillons. Les expos qu'on connaît, tradition ouais. et modernité, abstraction, figuration, là, ça va changer. Ces expositions-là vont changer quand même assez considérablement et je ne peux pas en dire plus parce que, évidemment, les discussions vont être entamées ultérieurement. On y attendait d'avoir quelqu'un en poste pour qu'on puisse commencer à discuter du redéploiement des collections. Mais on a certaines idées qui commencent à émerger qui sont assez intéressantes. Et je pense que ça va être en fait, on double la superficie du musée, donc ça va permettre vraiment de déployer la collection d'art contemporain aussi, qui est assez peu vue actuellement. C'est vrai, hein? Ouais. Il n'y a pas d'exposition permanente sur l'art contemporain. Pas actuellement, mais c'est vraiment une collection importante, donc ça va permettre au public déjà de découvrir cette collection-là de façon plus permanente. D'avoir une image plus actuelle aussi ouais. du musée. Et d'essayer vraiment de proposer une vision de l'histoire de l'art du Québec, donc des origines à aujourd'hui, à travers un parcours. Je pense que c'est un défi auquel font face les musées actuellement, c'est qu'on doit proposer des expositions qui sont accessibles à une multitude de publics et on a un sérieux mandat d'éducation populaire aussi puisque c'est possible au Québec de faire la totalité de son parcours universitaire, mais même son parcours scolaire, sans jamais acquérir aucune notion d'histoire de l'art ouais. du Québec. C'est fou, ce qui, hein? À mon c'est sens, vraiment est un sérieux problème, en fait. Et ce qui est... Donc, notre mission, c'est à la base ça, c'est de permettre à tout le monde de venir au musée et de découvrir toute la richesse de l'histoire de l'art du Québec des origines à aujourd'hui pour différents publics. Certaines personnes qui ont plus de notions, d'autres personnes qui partent vraiment de zéro. On doit s'organiser pour que ce qu'on va présenter dans les prochaines années soit accessible à tout le monde. C'est un défi médiatique de médiation qui est ultra intéressant. C'est complexe aussi. C'est vraiment, comme tu dis, là, avec la variété du public, tu as autant l'historien d'art qui enseigne à l'université qui va aller voir l'expo que le Kidam qui va au musée pour la première fois à 40 ans. Là. Et pour moi, c'est vraiment venant du milieu universitaire et comme j'enseigne aussi à des gens au premier cycle, parfois qui rentrent pour la première fois les premiers cours d'histoire de l'art, j'ai vraiment à cœur de m'organiser pour que chacun puisse y trouver son compte. Et je pense que c'est l'objectif du musée aussi. Il s'agit pas de vulgariser à outrance, c'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment juste de repenser le musée dans sa fonction communicationnelle et de médiation, qui est devenue la fonction centrale. Le musée joue un rôle, en fait, dans la communauté. Il doit jouer un rôle vraiment important. Et ce sont vraiment des vecteurs, les musées, de connaissances sur notre culture. Le Musée national des beaux-arts du Québec réfléchit sur la culture québécoise. Ouais. Donc, on doit être en mesure de montrer l'état de notre réflexion et l'état de notre collection. Donc, c'est un défi ultra intéressant pour les prochaines années. En terminant, on va aller avec le plus court terme, justement, à partir de février prochain. Donc, l'exposition sur Lida Moser, le Québec, la photojournaliste Lida Moser, justement. Peux-tu nous donner un avant-goût de l'expo? C'est son reportage qu'elle a fait aux années 50, un premier reportage à l'été 1950 pour le Vogue. Donc, et ensuite, elle est revenue au Québec en décembre et novembre de la même année, puisqu'elle était intéressée à faire un second reportage. Et donc, l'exposition se veut une forme de synthèse de ces deux reportages. Deux fois, dans les années 50, elle a passé finalement près de 4 mois au Québec durant cette année. Elle est très jeune, elle avait 30 ans. Elle propose un regard vraiment intéressant puisqu'elle s'est promenée à la fois à Montréal et dans les régions et elle rencontre beaucoup la communauté culturelle, autant donc la communauté culturelle montréalaise, des acteurs du théâtre anglophone, francophone, que les sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli. Et on voit vraiment bien comment est en train de se transformer le Québec à travers son reportage photographique. On voit aussi que cette dichotomie qu'on présente souvent entre ville et campagne n'est pas tellement présente puisque ces gens sont vraiment en contact les uns avec les autres et qu'il existe des passeurs donc qui vont faire le lien entre cette culture urbaine et la culture plus provinciale. Et ces passeurs-là, en fait, sont les gens qui l'accompagnent, Paul Gouin, Luc Lacourcière, Félix-Antoine Savard. Et donc, c'est un reportage très humaniste, beaucoup de photographies, beaucoup de portraits d'enfants. Je pense que c'est vraiment une exposition qui va toucher le public très largement. Ça donne une vision, c'est les baby boomers aussi qui sont beaucoup représentés, et ça donne une vision du Québec qu'on sent très loin et qu'on imagine être la grande noirceur, mais ça donne une totale autre image du Québec. En fait, un Québec qui est très, très, très dynamique au niveau culturel. Donc, je pense que ça va être une exposition à ne pas manquer, mais c'est sûr que je vote pour mon... Ben oui, c'est sûr. Zéro. J'ai absolument trop de subjectivité sur ce cas-là. Le contraire serait étonnant de toute façon. Anne-Marie Bouchard, merci beaucoup. Merci. Donc, bonne chance dans ton nouveau travail de conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, je remercie mes invités, je remercie mes collaborateurs, puis je vous laisse avec Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL 89.1.